Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La nostalgie, histoire d'un mot, histoire d'un sentiment, d'une émotion et histoire d'une étrange maladie. Au moment d'évoquer la nostalgie, il est des incontournables. Comme par exemple Serge Reggiani, quand il chante « Madame Nostalgie qui pleure sur un nom de ville et qui confond, pauvre imbécile, l'amour et la géographie ». C'est aussi l'autobiographie de Simone Signoret, « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Et en effet, il est toujours question, avec la nostalgie, d'histoire et de géographie. Mais enfin, tout de même, l'espace est lié au temps et joue un grand rôle. Et c'est pourquoi la nostalgie à l'état pur concerne le temps, mais elle concerne aussi un autre pays, un ailleurs, n'est-ce pas ? Il y a deux choses dans la nostalgie, le jadis et l'ailleurs. Le jadis, c'est la nostalgie du temps, d'un temps révolu, et qui jamais plus ne sera, tout au moins sous la forme où je l'ai vécu. Et l'ailleurs, c'est une autre nostalgie, plus guérissable, plus facile à soigner, par le biais de retour, par l'aller-retour, ça existe, l'aller-retour, n'est-ce pas ? La nostalgie définie par Vladimir Jankélévitch. Dans cette définition de la nostalgie, nous sentons qu'il y a du jadis, de l'ailleurs. Bonjour Thomas Dottmann. Bonjour. C'est quoi pour vous la nostalgie ? C'est une maladie dont on meurt. Ah oui, c'était pas du tout la définition de Jankélévitch. Non, mais la nostalgie a changé, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, la nostalgie a une histoire, comme d'autres sentiments, comme d'autres émotions, elle a une historicité qui fait qu'elle a pu évoluer, elle a pu apparaître à un moment précis, et puis changer de sens, et peut-être même un jour disparaître. Ah bah alors ça, on le verra, mais c'est vrai que c'est intéressant de dire que la nostalgie peut peut-être disparaître, en tout cas ce qui est au cœur de cette réflexion historique, et c'est en cela que l'ouvrage que vous publiez, Nostalgie, histoire d'une émotion mortelle et passionnante, c'est de voir l'évolution de cette notion de nostalgie avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Emmanuel Fantin, bonjour. Bonjour. Alors Jankélévitch, pour commencer, elle vous convient pour une définition plus contemporaine de la nostalgie, le jadis ? Et l'ailleurs ? Elle me convient tout à fait. Alors je dirais qu'elle se concentre, et Jankélévitch le dit un petit peu dans cet extrait, surtout dans son ouvrage, elle se concentre désormais peut-être plus sur le jadis que l'ailleurs, pour la simple et bonne raison que le jadis est tout simplement inatteignable et donc il suscite d'autant plus le désir. Et je dirais que d'un point de vue contemporain, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de cesse de présenter cette nostalgie comme étant un phénomène nouveau, notamment dans le champ du marketing et de sa médiatisation, alors qu'en fait, on va le voir peut-être aujourd'hui, c'est un phénomène et une émotion qui est à la fois très ancienne et aussi par ailleurs extrêmement banale. Dans cette longue histoire de la nostalgie, et je reprends cette idée du jadis et de l'ailleurs, on voit quand même, Thomas Dottmann, un basculement. La nostalgie, longtemps, ça a été lié à un ailleurs, c'est-à-dire c'était de la géographie. Aujourd'hui, on le sent bien, on est plus lié à un temps passé, on est nostalgique de notre enfance. Tout à fait, Emmanuel Fantin le disait très bien juste à l'instant. Aujourd'hui, on pense la nostalgie plutôt dans le temps, plutôt à un jadis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand le mot est inventé en 1688, quand on définit pour la première fois ce que peut être la nostalgie, cette définition conçoit ce mal, parce qu'il s'agit d'un mal, exclusivement en termes spatiaux, en termes d'espace, de déplacement dans l'espace. La nostalgie est un synonyme du mal du pays, donc du mal qu'on peut ressentir quand on s'éloigne de chez soi, de ses siens, de ses propres, et que l'on se sent un peu perdu, un peu déraciné. Donc en effet, dans l'évolution historique du sentiment de la nostalgie, il y a fondamentalement un basculement d'une conception spatiale à une conception temporelle. C'est un basculement long qui s'articule sur toute une période, tout au long du 19e siècle, je dirais, avec de multiples facteurs, on pourra en reparler, mais qui fait en effet que l'on passe d'une maladie pensée dans l'espace et que l'on peut guérir, parce qu'on peut revenir à son pays de naissance. Mais quand on passe à un sentiment qui est articulé dans le temps, eh ben, on peut plus en guérir, mais du coup, peut-être que ce n'est plus une maladie non plus. Eh oui, c'est au cœur de notre réflexion. On peut retourner dans le pays qui nous manque. D'ailleurs, c'est l'étymologie même de nostalgie, c'est ça. Tout à fait. Le mot vient de nostos et de algos, donc le pays et le mal, le désir du pays et la souffrance du pays. L'étymologie est évidemment grecque, et donc on pense inévitablement à Ulysse, songeant à sa chère Ithaque, voire à d'autres formes d'exil. Le médecin qui invente le terme au XVIIe siècle, voilà, il il a tout intérêt à lui donner une étymologie grecque. Ça fait chic, ça fait important, ça fait sérieux. Mais il faut pas que ça cache le fait que la nostalgie est bien inventée au XVIIe siècle. Oui, avec une date précise, hein, 1688. Pourquoi à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est un petit peu compliqué. On est dans une période. Tout ça se passe en Alsace, entre Mulhouse et Bâle. Le jeune médecin en question s'appelle Johannes Hofer. C'est lui qui écrit une thèse de médecine où il définit pour la première fois la nostalgie. Il la définit comme une forme spécifique de mélancolie, qui est un mal qui existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Il aurait pu tout simplement faire une nouvelle forme de mélancolie, mais il décide de lui donner un nouveau nom. Donc il se passe bien quelque chose. Ce quelque chose ne peut pas, à mon sens, être expliqué purement par des nouvelles découvertes dans la médecine. Il n'y a pas vraiment dans sa thèse une révolution médicale qui expliquerait pourquoi il a dû inventer un nouveau diagnostic. Il faut aller plutôt chercher dans le contexte politique, le contexte social, le contexte culturel, et essayer de comprendre pourquoi il fallait inventer une nouvelle maladie, essentiellement parce qu'on pouvait la guérir, en fait. C'est tout le paradoxe de la nostalgie, elle est inventée comme maladie pour qu'on puisse la guérir, parce qu'en dépend en fait le bien-être de soldats dont dépend la sécurité du village natal, enfin de la ville natale, pardon, de Johannes Hofer, Mulhouse. On revient toujours à l'histoire et à la géographie. L'histoire, c'est pour le contexte, ces guerres du temps de Louis XIV, et la géographie, c'est ce lieu aussi, l'Alsace. C'est intéressant d'avoir ce lieu de carrefour, un lieu déchiré, déjà là, qui voit traverser les troupes de Louis XIV. Tout à fait, on est en une période de guerre semi-constante, de guerre de plus en plus nationale, d'agrandissement du royaume de France. Mulhouse est une enclave protestante prise en tenaille entre le royaume de France d'un côté, le Saint-Empire romain de l'autre. Donc on est en période de fin de guerre des religions. Et l'indépendance de Mulhouse dépend un petit peu des soldats, les mercenaires suisses, même si ce n'est pas vraiment tout à fait des mercenaires, qu'envoient les cantons suisses pour protéger cette enclave protestante alliée des cantons suisses, et parmi lesquels circule une rumeur comme quoi il serait en fait pas si formidable que ce qu'on le croyait, qui serait peut-être une forme de soldat en perte de vitesse, en perte de capacité militaire, et surtout qui souffre d'un nouveau mal, le mal du pays. Et donc Hofer se saisit de cette rumeur pour en fait essayer de la démystifier, pour essayer de la rendre un objet scientifique et surtout une maladie que l'on pourrait guérir, parce qu'il sent très bien qu'en dépend l'avenir de sa ville natale qu'il veut absolument maintenir indépendante. C'est dingue, parce qu'aujourd'hui, cette définition de la nostalgie, elle n'existe pas. Emmanuel Fantin, quand on parle de nostalgie, on n'imagine pas que c'est le mal du pays. On va dire, oh, j'ai la nostalgie des tartes de ma grand-mère. Effectivement, alors la nostalgie, on parle plus trop de mal du pays, on parle de mal temporel, c'est-à-dire que effectivement c'est la douleur d'un temps qui ne reviendra plus, que l'on va regretter et qui va s'exprimer dans tout un tas de productions culturelles et culturelles, je dirais, qui appartiennent à la culture populaire et à la culture médiatique, et qui vont venir toujours essayer d'attiser ce sentiment-là, qui est assez facile à attiser puisqu'il s'agit d'un fantasme personnel qui ne correspond pas, n'en déplaise à la catégorisation qui est souvent utilisée d'âge d'or, qui ne correspond pas à une réalité historique, mais qui est donc de l'ordre du fantasme, de l'idéalisation, que ça soit à l'échelle individuelle, personnelle ou collective. Thomas Dottmann, il y a ce contraste en fait entre le fantasme que l'on vient d'évoquer et qui est un fantasme, la nostalgie telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est une construction reprise mais partout dans les productions culturelles ou la publicité, avec la réalité historique de cet objet que vous étudiez. Parce qu'elle est là, la nostalgie. Vous pouvez la suivre. Tout à fait. Il y a une différence là, mais qui peut-être n'est pas aussi nette que voudraient le laisser entendre les médecins. Les médecins de l'époque, ils ont tout intérêt à ce que cette nostalgie est une réalité, même si on est dans la psyché, dans les sentiments, et donc on est dans l'ordre des troubles fonctionnels qui n'ont pas de lésions organiques et qui donc sont suspects par définition. Mais c'est vrai que pour eux, il s'agit d'un mal réel qu'il faut, donc il faut lui donner toute une définition médicale avec toute une littérature qui va se développer pour essayer de rendre compte de la réalité de cette souffrance. une réalité qui renvoie aussi à une problématique un peu rousseauienne sur la perte d'authenticité. La personne qui souffre de nostalgie est souvent une personne qui, ce qu'on va appeler un sujet sensible, une personne sensible qui est proche de la nature. Donc le paysan suisse, par exemple, qui est resté en symbiose avec le monde naturel, qui n'a pas été corrompu par le luxe, par la civilisation. Donc on est dans un discours de retransposition du bon sauvage quelque part sur certaines populations européennes que Rousseau nourrit très bien. Au même moment, pour compliquer un petit peu cette opposition, on a un Immanuel Kant qui va dire essentiellement que tout ça c'est un peu n'importe quoi, et que en fait le soldat nostalgique n'est pas nostalgique d'un pays qu'il a abandonné, mais nostalgique d'une enfance qu'il ne pourra jamais retrouver. Donc déjà à la fin du XVIIIe siècle, on commence à voir cette bifurcation, cette transformation qui se met en place, que les médecins résistent parce que en fait ils ont misé énormément dessus. Il y a toute une problématique de professionnalisation de la médecine militaire qui s'empare de la nostalgie dans un objectif de professionnalisation, de reconnaissance de leur savoir et de leurs compétences pour avoir un certain statut dans l'armée. Et donc eux, ça leur voilà, ils refusent un petit peu ça, mais on voit bien que dans le discours des philosophes et puis des romantiques que cette séparation entre authenticité, inauthenticité, entre temps et espace, en fait, très vite commence à s'effriter. Et puis on peut être étonné quand même de se dire que dans le monde médical de la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle et encore après, encore au XIXe siècle, la nostalgie est considérée comme une maladie. On pense que les médecins vont s'occuper des blessures, des choses visibles, alors que déjà il y a une prise en compte de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Comment on peut la mesurer? On est médecin au XVIIIe siècle, quelqu'un va voir, je suis nostalgique. Quels symptômes? Alors les symptômes sont divers et variés et sont à la fois des symptômes psychologiques mais aussi somatiques, on va dire. C'est une médecine psychosomatique qui ne sépare pas vraiment la psyché du corps. C'est une médecine dans laquelle il y a une communication constante entre les passions de l'âme, ce qu'on appelle à l'époque les passions de l'âme, et le bien-être du corps. Et donc quand on a une passion triste, et ben ça va se répercuter sur les fonctions vitales avec un dépérissement des organes. Donc la symptomatologie de la nostalgie est très variée. Elle va de la tristesse au marasme et à la tuberculose, à ce qu'en fait on va appeler plus tard la tuberculose. Il y a tout un tas d'études sur les maladies organiques associées, on va dire, déclenchées par la nostalgie. Ce qui me semble important là-dedans, et qui est un peu une leçon peut-être, l'histoire n'a pas de leçon à donner, mais qui nous permet d'avoir un petit peu de recul par rapport à notre présent, c'est qu'on est là dans un monde médical qui précède l'invention du trauma psychique. Il n'y a pas de notion de trauma psychique qui ne va que intervenir dans le dernier tiers du 19e siècle. Donc tout ce qui est le discours sur l'après-coup, sur le trauma, la problématique de la psychanalyse, en fait, ne se pose pas de la même façon à cette époque, l'époque de la nostalgie médicale. On est au contraire dans un univers épistémologique où les passions, justement, les émotions comptent pour beaucoup dans l'économie, le bien-être, le care, peut-être on pourrait dire aussi, des individus. Une époque de personnes sensibles, justement. Et ce qui est un peu surprenant parfois, c'est de se rendre compte que quelque part, il valait mieux être un soldat nostalgique au XVIIIe siècle. On pouvait s'attendre à avoir une meilleure prise en charge par la médecine que un poilu au XXe siècle, voire un vétéran du Vietnam à la fin du XXe siècle. La médecine n'avance pas que dans un sens de progression, on va dire. Je pense que voilà, il y avait une meilleure prise en charge quelque part de l'émotivité des soldats, et pas que des soldats d'ailleurs, d'autres catégories sociales aussi, dans une époque aujourd'hui révolue. Et tout ça dépend des changements, des paradigmes médicaux qui changent et qui évoluent. Dans cette histoire-là de la nostalgie, Thomas Dottmann, votre nostalgie est au singulier, mais vous, Emmanuel Fantin, vous êtes maîtresse de conférence à Sorbonne Université. L'ouvrage que vous avez co-dirigé, Nostalgie contemporaine, est au pluriel. Mais c'est en écho complètement à ce qu'on vient d'entendre. La nostalgie peut prendre plein de formes. Mais on va retrouver dans la nostalgie contemporaine, ce qui vient d'être évoqué. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, disons, si on a une approche globale, on a un sentiment qu'il peut y avoir des ruptures, notamment ce fameux passage dont on a déjà beaucoup discuté là de la géographie vers une langueur qui est plutôt temporelle, et en même temps beaucoup de continuité. Et d'ailleurs, les chercheurs qui travaillent sur les médias et la nostalgie s'appuient beaucoup en fait sur les textes historiques aussi de la nostalgie. Alors j'entendais dans ce que vient de dire Thomas la question, par exemple, de l'authenticité et de l'inauthenticité. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'on le retrouve dans les textes historiques sur la nostalgie en tant que maladie. Et en même temps, aujourd'hui, bah, si vous regardez, donc on va prendre l'exemple d'une publicité qui cherche à construire un discours plus ou moins nostalgique pour séduire un consommateur, mais on va retrouver exactement les mêmes dynamiques, à savoir comment est-ce qu'on construit un sentiment d'authenticité. L'authenticité n'est pas une réalité en soi, c'est ce que j'essaye de dire tout le temps à mes étudiants qui tombent un peu dans le panneau, j'ai envie de dire. L'authenticité, c'est vraiment un principe de vérité qu'on va venir affubler ou apposer sur un objet ou sur quelque chose. Et si vous voulez, on peut prendre sémiotiquement l'exemple d'un meuble en bois. Eh bien, on va avoir d'un côté une valorisation symbolique très forte du passage du temps dans un meuble qui va être patiné. Et c'est là toute la différence avec un meuble qui sera usé ou une chaussure, par exemple, qu'on va considérer comme étant usée, où là, le passage du temps, qui est pourtant le même, va être symboliquement auréolé de quelque chose de plutôt dépréciatif. Donc on voit qu'en fait, autour de cette question d'authenticité, c'est surtout, enfin en tout cas, c'est les aspects sur lesquels on a travaillé dans cet ouvrage, c'est plutôt comment est-ce qu'on va venir la construire, la travailler de manière à mobiliser chez le récepteur, le spectateur ou le consommateur, finalement, les mêmes affects qu'on retrouvait dans les textes du 18e, du 17e et du 19e siècle. Avec un discours médical fin 17e siècle, 18e siècle, qui parle de la nostalgie. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui reçoivent ce discours-là, et je pense à tous ces soldats. Alors, on va pouvoir se demander si ce sont tous les soldats qui sont en réflexion sur l'idée de nostalgie. Mais un discours est proposé et il est reçu comme une explication à un sentiment que l'on n'arrivait pas à comprendre, une émotion qui n'y était pas maîtrisable. Oui, tout à fait. C'est une tentative de cerner une problématique qui s'installe, qui existe là, mais qu'on n'arrive pas complètement à mesurer. Et ce qui est peut-être important de dire par rapport à ça, c'est qu'il y a à la fois le discours des médecins d'un côté, qui est un discours savant, un discours qui se veut objectif, qui se veut comme ayant des réponses et des logiques particulières. Et puis il y a aussi le récit du malade, le récit du soldat, mais ce n'est pas que le soldat, c'est aussi le travailleur migrant, le colon, l'exilé et l'esclave, dont malheureusement on a très très peu de traces, mais c'est un petit peu ça les catégories sociales qui souffrent de nostalgie et qui font des récits de maladies qui n'ont pas le vocabulaire, le discours scientifique médical, mais dans lesquels on sent bien le déchirement, la souffrance, l'arrachement à des modes de vie, et qui, quelque part, donne une trame personnelle, intime, des grands basculements de l'histoire. C'est ça qui m'avait vraiment intéressé. La nostalgie, en fait, pour moi, et cette invention de la nostalgie, on en revient à une question précédente, c'est un symptôme des transformations du monde moderne, du fait de basculer dans le monde capitaliste. On peut dire ça comme ça aussi. Et ça rejoint la question de l'authenticité et de l'inauthenticité. C'est très important par rapport à ça. Des formes de transformation sociale qui sont à la fois des transformations radicales, mais aussi des reproductions de l'ancien, des reproductions facsimilées de ce qui a pu disparaître. Et les deux mouvements sont reliés. Et ça, on le ressent très bien à la fois dans le discours médical, mais surtout peut-être dans le récit des malades de nostalgie. Oui, parce que cette idée de nostalgie naît dans un monde médical relié à un univers militaire, parce que ce sont les soldats qui sont les premiers concernés. Mais quel succès autour de cette nostalgie, parce que très vite elle se propage partout, et vous venez de l'évoquer, on le voit dans votre ouvrage Nostalgie. Nous partons dans les colonies, la nostalgie est partout dans la société très vite. Alors la nostalgie, en effet, elle y met un petit siècle quand même. Le temps, c'est vrai. Mais pour sortir du domaine un peu médical, spécialisé, des philosophes, mais elle le fait tout à fait, notamment par le biais des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, qui sont vraiment un moment de brassage, en tout cas dans la sphère européenne, on va dire essentiellement, de population et de circulation de savoirs médicaux. Au début du 19e siècle, en effet, la nostalgie sort de ce domaine scientifique, technique, relativement restreint, pour devenir un peu un phénomène de mode aussi, un phénomène d'époque, une maladie un peu sexy, un peu populaire, dont vont s'emparer par exemple des écrivains, des écrivains romantiques, des écrivains réalistes. Balzac va beaucoup en parler, et il va y avoir à ce moment-là ce début de commercialisation, moi je l'appellerais vraiment commercialisation de la nostalgie. La nostalgie va devenir un objet d'intérêt paramédical, un objet dont on peut faire du chiffre, on peut faire vendre avec la nostalgie. Et c'est à ce moment-là, du coup, que quelque chose qui était jusque-là pensé comme exclusivement authentique ou renvoyant une authenticité perdue va acquérir des connotations d'inauthenticité, de copie, de faux, de kitsch peut-être aussi. Oui, parce que la nostalgie rapporte au vécu d'un individu, et dans la période que nous évoquons, il y a ce mouvement magique, magnifique et grandiose, le romantisme. Alphonse de Lamartine, l'isolement. Souvent, sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes, il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon, et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Cependant, s'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs. Le voyageur s'arrête et la cloche rustique, au dernier bruit du jour, mêle de saints concerts. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme, ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. Un extrait de l'isolement de Lamartine en 1820 par Alain Delon. Nostalgie, Lamartine, Alain Delon, tout le monde est là. Emmanuel Fantin, 1820, ben oui, le romantisme, alors Lamartine, l'isolement, ben tout ça, ça rentre aussi dans une histoire des champs culturels où c'est à la mode. Non, mais ça permet de vendre aussi des livres, faut le dire comme ça. Tout ce qui a été évoqué ici sur cette nostalgie qui devient un élément commercial dès le 19e siècle, la nostalgie fait vendre. Parce que c'est authentique, pourquoi? Parce que ça touche à l'émotion aussi, peut-être? Alors, moi, je dirais que, effectivement, on peut le faire remonter au 19e siècle. Il y a quand même une très, très forte accentuation de cette commercialisation que je situerais encore au tournant, même plutôt tournant 19e, 20e siècle, jusqu'à une explosion qu'on connaît aujourd'hui et qui semble, du coup, sans fin. Je dirais que on peut avoir plusieurs hypothèses. La première, alors, je vais prendre un détour par la publicité. J'aime bien cette phrase de Roland Barthes qui nous dit, en fait, en fin de compte, ce qui dérange dans la publicité, c'est la présence évidente et cynique de l'argent. L'argent, il nous dit, il est partout, il est dans les œuvres de haute culture, etc. Seulement, il est sublimé, il est distancié, il est occulté, alors que dans la publicité ou dans les principes marchands ou commerciaux d'une manière plus générale, il est le mobile évident. Et c'est ça qui nous dérange. Et donc, tout ce qui va permettre d'euphémiser, d'occulter, de distancier, de narrativiser cette présence de la transaction commerciale, ce qu'il appelle le contrat, les limites drastiques du contrat commercial, eh bien, va être quelque chose qui va être très utile pour les commerçants, pour les publicitaires. Donc, c'est assez logique, finalement, que les publicitaires et plus globalement les commerçants se saisissent de tout ce qui peut enrober et donner des chatoiements à leur discours et à leurs produits. Et donc, dès le 19e siècle, notamment, et ça on en a parlé aussi un petit peu, à partir du moment où l'industrialisation et la standardisation des produits commencent à se déployer. Et puis c'est rassurant, la nostalgie, dans un monde qui change, l'industrialisation que l'on évoque, le chemin de fer, la nostalgie, c'est aussi un moyen de se rassurer. Tout à fait, c'est un moyen de se rassurer aussi, autant pour, par rapport à un achat potentiel, par rapport à une envie, que par rapport à une survie, si je peux faire le jeu de mots. C'est la problématique qui, in fine, va faire sortir la nostalgie du domaine médical, en fait, parce que les médecins vont se rendre compte qu'il y a un moment où cette logique historique du changement, de la transformation, des déplacements, que ce soit par la colonisation ou par le commerce, font que c'est impossible tout simplement de revenir systématiquement chez soi. Il faut s'y habituer en fait à ce déplacement, il faut faire avec, il faut que ça devienne une partie de l'habitus, on va dire, de l'homme moderne. Et ce qu'il faut faire plutôt, c'est essayer de amener le pays, le familier, le rassurant, là où on le connaît pas, là où on ne l'a pas, là où on risque d'être un petit peu perdu. Et c'est cette réflexion-là qui va porter, par exemple, à la recréation d'un microcosme familier dans les colonies, par exemple, où on va reproduire une sorte de France ancestrale avec son clocher, son kiosque à journaux, sa fontaine, pour essayer de faire des fois, je visualise ça comme un petit village Lego qui reproduit le petit village alsacien, par exemple, en Algérie, ce qui peut être complètement étonnant, mais qui permet justement de rassurer, de familiariser. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, et ça revient, on va finir par faire une émission sur l'authenticité et l'inauthenticité, c'est que ces villages-là sont souvent financés par des entreprises cotées à la Bourse de Paris, qui sont par ailleurs inscrites dans des logiques économiques qui sont en train de détruire le village ancestral en soi, par cette modernité tout azimut qui écrase tout et qui porte à la fin des terroirs. Donc on a vraiment un phénomène dialectique là, la même poussée historique en fait porte à la fois l'élimination de ce qui va devenir ancien, de ce qui se perd, et une sorte de recréation de cet ancien en facsimilé, en inauthentique, mais qui rassure quand même malgré tout. Thomas Dottmann, on sait bien que les gens du passé se déplaçaient énormément, les soldats beaucoup, on évoquait le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, il y a beaucoup de déplacements, il y a ces phénomènes de colonisation bien sûr, il y a l'exode rural aussi, des Bretons qui vont en Algérie, des Bretons qui vont dans le Périgord, on va retrouver en fait cette nostalgie qui se propage, et au sens vraiment de nostalgie, le mal du pays, parce que les gens se déplacent, mais pas uniquement en déplacement, pour changer de lieu d'habitat. Tout à fait. Donc il faut, ça fait, c'est un des contextes dans lequel s'inscrit cette histoire, celui des migrations, des déplacements de population. Alors, et il est important de signaler d'emblée, comme vous venez de le faire, que il n'est pas question de dire que avant le XVIIIe siècle, les personnes ne bougeaient pas. Les modernistes ont montré et les médiévistes ont montré depuis un certain temps que ce n'est pas le cas. Il y a des formes de mobilité à travers l'histoire. Elles changent, elles évoluent. Ce que je pense pouvoir dire, c'est que au XVIIIe et au XIXe siècle s'installent des nouvelles formes de mobilité, de plus en plus lointaines, vous l'avez dit, avec des colonisations, des déplacements de millions de gens dans l'esclavage, par exemple. Et puis, évidemment, aussi des formes d'exil, des nouvelles formes d'exil politique, de déplacement à cause des guerres. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut comprendre que pendant un certain temps, très longtemps, la nostalgie était pensée plutôt dans l'espace, plutôt que dans le temps. Le temps la dimension temporelle va s'insérer dans ce discours au fur et à mesure que les nouvelles temporalités du capitalisme, les nouvelles temporalités de la modernité, l'accélération dont parle par exemple Hartmut Rosa, va s'installer là-dedans, et c'est là aussi où on va commencer à penser la nostalgie plutôt dans le temps que dans l'espace. Mais aujourd'hui, on continue de réfléchir, les psychologues, des psychiatres, des psychanalystes continuent de travailler beaucoup sur la maladie, et là pour la peine c'est rester vraiment une maladie du mal du pays, par exemple dans les millions de migrants, de populations d'émigrés qui et d'immigrés du coup qui vivent déplacés à cause de guerres, de persécutions. Et là, on reste vraiment dans le domaine du médical. Le mal du pays reste une vraie névrose, voire une psychose dont souffrent des millions de personnes que l'on oublie un petit peu trop souvent ou que l'on réduit à des problématiques de politique interne, en oubliant que c'est des personnes qui souffrent en premier lieu. Ouais, je comprends de mieux en mieux hein, ce pluriel à nostalgie contemporaine, hein, l'ouvrage que vous avez co-dirigé Emmanuel Fantin, parce que entre la nostalgie au sens de mal du pays, qui est une vraie souffrance aujourd'hui pour des migrants, par exemple, entre autres, et la nostalgie qui est utilisée à des fins commerciales et qui évoque un passé lointain, il y a une pluralité. Mais ce qui explique aussi que dans cet ouvrage, il y a toutes les disciplines représentées. L'idée interdisciplinaire ici, dans la démarche hein, de recherche pour comprendre la nostalgie, c'est un peu la base, tellement elle est protéiforme. Effectivement, alors je voudrais peut-être simplement revenir sur ce qui vient d'être dit, que je trouve intéressant, parce que c'est aussi des aspects qu'on étudie dans l'ouvrage. Moi, par exemple, j'ai fait un chapitre qui s'appelle « Dire, ne pas dire ou présupposer la nostalgie de l'immigré » dans le site internet, en étudiant des portraits du Musée de l'Histoire de l'Immigration, où on retrouve en fait ce problème en fait politique, hein, même de dire ou ne pas dire les affects de l'immigration ou les affects des immigrés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que dans le débat, on se débarrasse petit à petit de cette histoire de géographie et qu'en fait elle nous revient toujours. Et alors ce qui est aussi intéressant autour de la question de l'immigration, c'est comment est-ce que la géographie ou l'espace va devenir par ailleurs aussi un instrument pour des nostalgies politiques qu'on peut appeler nostalgie dite réactionnaire. Hein. Donc par exemple, tout ce que certains collègues appellent un courant nativiste, c'est-à-dire des personnalités politiques qui présupposent qu'on aurait plus de droits dans un pays dans lequel on est né, tout simplement. On voit bien que, en fait, ça repose à la fois sur une idéalisation vraiment régressive du passé d'un certain pays, et puis en même temps sur une nostalgie qui, là, va être tordue, modelée à des fins politiques. Donc, je fais une petite digression. Je ne sais pas si j'ai du temps pour continuer sur les nostalgies protéiformes. Et du coup, ce que je trouve assez passionnant, c'est que finalement, le fait qu'on puisse étudier ces instrumentalisations dans le champ politique, dans le champ médiatique, dans le champ commercial, montre effectivement qu'on est face à un phénomène qui est non seulement protéiforme, mais qui en plus finalement touche peut-être on le présente systématiquement comme quelque chose de nouveau, etc. Mais en fait, on retrouve toujours les mêmes trames profondes que j'ai envie de qualifier de névrotiques. Alors du coup, je m'insère ici dans le champ pleinement de la psychanalyse, mais j'assume, hein, je trouve qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans des textes simplement sur la définition de la névrose, sur ce passage en fait de l'enfance et ces blocages qui s'instaurent chez la plupart des individus qui sont très intéressants à étudier. Et peut-être un dernier petit mot sur Armut Rosa qu'on mobilise aussi beaucoup et qui finalement montre bien, je trouve, dans son ouvrage et dans toute cette réflexion sur la question de l'accélération, comment la nostalgie serait... Alors lui, il interprète presque comme une soupape nécessaire à chaque poussée d'accélération qu'il identifie, donc accélération technique, sociale, etc. Et donc, voilà, chaque poussée d'accélération serait nécessairement contrebalancée dans le social par des formes de ralentissement, des formes un petit peu régressives dans lesquelles s'insère la nostalgie. Et la question qui se pose, du coup, désormais, c'est face à une accélération ou un sentiment de crise, notamment du dérèglement climatique qui épouse le social là pour le coup et qui épouse bien plus que le social en fait, vraiment une crise ontologique, que faire de cette nostalgie et comment est-ce que cette nostalgie et cette idée de la décélération passe, on le voit aussi dans l'ouvrage à travers l'exemple des vanlifers par exemple, ces personnes qui décident de tout plaquer pour revivre, vivre dans leur camion, etc. On voit comment ça se déplace et comment est-ce que ça épouse le social dans des formes parfois même inattendues. Thomas Dottmann, je vous vois acquiescer. Non, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Emmanuel et je rejoins absolument sur tout. Je voulais juste rajouter que justement dans Cette idée qu'on a souvent par rapport à la nostalgie, que c'est nouveau, que c'est quelque chose de très contemporain, on a la mémoire très courte en politique, on n'écoute pas les historiens, les historiennes et les historiens, mais ce moment nativiste, justement, c'est cette idée de ce repli sur soi, sur ceux qui sont authentiquement rattachés à la terre, à un lieu, en fait, n'est pas si nouveau que ça. Malheureusement, il est très présent aujourd'hui et très très fort, ça c'est sans doute vrai, mais on peut le voir, par exemple, moi je pense en tout cas pouvoir voir un petit peu la naissance de ce raisonnement-là dans l'histoire un peu plus longue de la nostalgie, parce que une des autres clés du basculement de la nostalgie du domaine médical et donc de la pathologie vers le domaine un peu plus existentiel, et on est nostalgique et presque ça nous fait du bien, beaucoup de psychologues aujourd'hui considèrent ça comme une émotion positive, quelque chose dont on a besoin pour se ressourcer, pour se justement décélérer un petit peu face au monde. Une autre des clé de ce basculement, c'est le moment où, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le discours médical sur la nostalgie se croise avec le discours pseudo-scientifique sur la race, le racisme scientifique, et qui veut que, pour ne pas se mélanger trop aux populations autochtones, aux populations primitives, qu'on va appeler primitives dans les colonies, les Européens doivent se raccrocher à ce qui les maintient eux-mêmes, les maintient blancs, les maintient européens, civilisés. Évidemment, j'utilise les termes de l'époque. Et du coup, la nostalgie dans tout ça devient presque positive. Parce que la nostalgie devient ce qui va les empêcher de céder aux tentations de l'île des Lotus, par exemple, pour reprendre les termes de l'Odyssée, et qui va empêcher le colon européen de trop bien s'installer sous les tropiques, et qui va au contraire maintenir son authenticité européenne d'hommes civilisés. C'est souvent des hommes dont il est question. Donc il y a vraiment un moment clé qui se joue, à mon sens, là, dans la positivisation de la nostalgie, qui passe un petit peu par cette identification avec l'authentique au niveau ethnique, au niveau racial même, et qui, je pense, y explique en partie cette constante récupération de ce genre de discours-là dans la politique de la nostalgie, y compris aujourd'hui. La nostalgie, on voit bien que la notion même change au fil du temps, mais que si on prend la notion première de mal du pays, bah là aussi, ça évolue au fil du temps. Que serait une émission consacrée à la nostalgie sans un clin d'œil à Joachim du Bellay? Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Je fumais la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front tout d'acier. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marées, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Et quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? Ridan qui chante Ulysse dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Daphné Leblond, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Aujourd'hui nous avons un peu la nostalgie dans le cours de l'histoire. Thomas Dottmann, la mélancolie est plus ancienne que la nostalgie. Oui, tout à fait. La mélancolie remonte à l'Antiquité et passe, elle aussi, par contre, par des phases plus ou moins historiquement spécifiques. C'est pas du tout le même mal tout au long de l'histoire de l'humanité. Ce que l'on peut dire, pour réfléchir un petit peu aussi à la thématique de la semaine sur les émotions et l'historicité ou pas des émotions, je pense qu'il y a sans doute des formes plus ou moins transhistorique d'affectivité qui traverse les corps et qui sont à peu près les mêmes d'une époque à une autre. On peut parler d'affect, l'affect comme une sorte de pulsion primaire qui nous anime, mais qui ne cesse de prendre des formes particulières à une époque ou à une autre, dans un contexte ou un autre, et qui du coup fait que quelque part, notre vie affective ne peut qu'être historiquement spécifique, parce qu'elle ne peut que exister dans sa manifestation concrète, dans un certain lieu, dans un certain temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes d'incorporation qui transmettent dans le temps long certaines émotions. Ça c'est tout à fait possible, mais on ne peut pas, je pense, utiliser une grille de lecture de 5 émotions de base ou 6 ou 7 en fonction de qui on lit, penser aujourd'hui pour expliquer l'émotivité de quelqu'un qui a vécu dans un tout autre contexte, a fortiori quelqu'un qui a vécu dans une toute autre époque. Donc la mélancolie, oui, elle existe depuis très longtemps. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de mélancolie dans le domaine médical, on parle de dépression, par exemple. Et donc elle a, elle aussi, une historicité, même si elle se traîne un petit peu, on va dire, sur le temps très long. Et sur ce temps long aussi, on voit apparaître de nouveaux mots, le spleen, par exemple, fin 19e siècle. Ouais. Dans cette lecture-là... La lipémanie aussi, au 19e siècle. Comment vous dites ? La lipémanie, les aliénistes de seconde génération, on va dire, quand ils essayent d'installer leur discipline dans les années 1820-1830, d'avoir une légitimité, ils inventent aussi des nouveaux diagnostics pour redorer le blason, on va dire, quelque part, donner un contenu scientifique à la mélancolie qui existe depuis très longtemps et qui, du coup, est un petit peu discréditée. Et ils essayent avec la lipémanie, ça marche pas, ça accroche pas. Ça marche bien mieux avec la monomanie. C'est la monomanie, en fait, qui va permettre aux aliénistes d'asseoir leur savoir et de donner une légitimité à la psychiatrie avec une loi qui va installer les asiles, etc., etc. D'où les monomaniaques, voilà. Mais ces émotions sont très difficiles à utiliser dès qu'il s'agit de médias. Parce qu'il ne faut pas se planter. Parce que, non mais voilà, il n'y a qu'un pas entre alors la mélancolie qui touche à la dépression et la nostalgie. Dites-nous, Emmanuel Fantin, quelle est la place de cette nostalgie dans cette culture plus générale, celle qui a pour but de vendre des choses, il y a une construction, en fait, de la nostalgie. C'est ça qui est fascinant. C'est pas tant utiliser quelque chose qui existe déjà et que les gens du commerce auraient repéré, plutôt que de l'inventer. Oui, c'est une invention, et d'ailleurs une invention qui n'est pas exempte d'anachronisme. Si on prend l'exemple de cette fameuse grande série à succès Stranger Things, c'est intéressant puisqu'on voit que, en fait, les concepteurs de cette série ont tout bon, puisqu'ils vont chercher dans le passé à la fois une sorte de des paillettes esthétiques qui correspondent à une certaine mode, et puis en même temps, d'un point de vue scénaristique, c'est intéressant de tout simplement de produire des événements, enfin de contextualiser des événements dans un monde sans téléphone portable, sans internet, etc., avec simplement des talkie-walkie. Ce qui est fascinant aussi dans ce genre de production médiatique, c'est que ça révèle bien combien les médias sont nostalgiques d'eux-mêmes. Alors on pourrait se dire aussi les médias en un sens sont toujours les premiers à endosser leur propre histoire. Il y a des historiens des médias, hein, il y a des revues spécialisées sur l'histoire des médias, mais c'est quand même intéressant de voir que par exemple si on prend l'histoire de la télévision, très tôt la télévision s'est mise elle-même à raconter son propre passé, les temps des pionniers, les émissions cultes, etc. Toujours, bon, je parle même pas de la pratique de rediffusion qui est elle-même une manière de mettre en scène et de sélectionner déjà en fait ce qu'on veut retenir et ce qu'on veut montrer à voir. Et ça, en fait, ce phénomène de réflexivité, on le retrouve dans tous les médias. Et du coup, bah, voilà, pour revenir à une série comme Stranger Things, on voit bien à quel point, même dans la manière dont la série utilise elle-même des représentations d'autres médias et les inclut, ça lui permet de construire finalement un monde qui ne correspond à aucune réalité. D'ailleurs, si vous l'avez regardé, vous noterez qu'à un moment, a priori, ces pauvres adolescents des années 80 peuvent utiliser Internet, sont devenus des hackers, même si ça n'existe pas encore, mais peu importe, c'est intéressant d'un point de vue scénaristique de montrer les débuts d'Internet. Bon. C'est vraiment une invention. Oui, c'est une invention, Thomas Dottmann. Moi, j'aurais surtout une question pour Emmanuel là-dessus, parce que je ne suis pas du tout grand spécialiste de la série, mais en lisant un petit peu dessus, il m'avait semblé comprendre que il y a aussi, dans cette reconstitution qui marche en fait parce qu'elle est époustouflante, parce que le scénario et la déco sont incroyables. Il y a une sorte de fidélité de la reconstitution de l'Amérique des années 80, si je me trompe pas. Mais par contre, il y a des lissages aussi très importants. Par exemple, on perd dans la série la misogynie, l'homophobie, le racisme banalisé de la Middle America des années 80, et on projette sur ce passé-là des émotions politiques, y compris comme ce qu'on disait avant sur certaines choses qu'on peut dire, ou sentir ou ne pas sentir, d'aujourd'hui en fait, en s'imaginant qu'elles sont universelles quelque part. C'est bien le cas. Oui, je suis tout à fait d'accord, et en fait moi j'ose la critique, hein, c'est pas du tout au contraire, enfin on peut d'ailleurs trouver que ces séries télé et toute cette mode de la nostalgie est un peu dangereuse justement dans les lissages qu'elle opère, alors que vous voyez par exemple une série comme Mad Men qui a eu aussi un petit succès en son temps, même s'il y en a eu beaucoup d'autres depuis, était peut-être un petit peu, en tout cas, critique, un petit peu plus critique, ouais. Justement par rapport au droit, la condition féminine dans les années 60, l'objectification des femmes soumises au désir des hommes, et puis basta, ça c'était tout à fait montré dans la série Mad Men, là où ici on va avoir vraiment de plus en plus dans ce type de série des clins d'œil intertextuels ou culturels qui n'ont d'autre valeur que la valeur référentielle de clin d'œil, et au détriment effectivement de tout un tas de pans historiques de la même période qu'on va passer sous silence. C'est vraiment la construction d'un âge d'or, au sens on va tout mettre en œuvre d'un point de vue esthétique, scénaristique, plastique, pour supposer une sorte d'apogée, d'acmé, et présenter le temps présent comme étant un appauvrissement, un déclin par rapport à cette période complètement idéalisée et fantasmée. Et qui du coup est un peu un pendant bénin en l'occurrence, mais malgré tout un pendant de la politique de la nostalgie plus potentiellement plus violente, parce que les deux viennent émergent d'un sentiment de crise, d'un sentiment de perte d'identité et du coup de volonté de se ressourcer dans un passé de plus ou moins imaginaire et plus ou moins inventé. Ouais. Mais en fait les deux reposent sur un principe d'oubli en fait. C'est vrai que quand on pense à la mémoire, on pense souvent à la on a un peu cette image comme la mémoire d'un ordinateur, c'est-à-dire un principe de conservation, et Todorov ou Marc Auger, plein d'autres chercheurs, grands chercheurs qui ont travaillé sur la question de la mémoire, rappellent bien ce qui est du coup au cœur de la nostalgie aussi, qui est que la mémoire, c'est pas la conservation, c'est un principe de sélection, d'effacement, du coup un principe de sélection entre ce qu'on conserve et ce qu'on oublie. Et la nostalgie nous montre bien en fait qu'on conserve vraiment ce qui va nous servir à mettre le passé sur une forme de enfin, sacraliser le passé, et puis on va effectivement faire passer aux oubliettes tout un tas d'autres choses problématiques qui entacheraient cette image parfaite qu'on essaie de constituer. Et parfois, on est nostalgique de ce qu'on n'a pas connu. Un avocat parisien, Maître Lemay, a épousé une Tahitienne. Et chaque année, pour son anniversaire, il transforme son appartement 18e en paillote à Tamouret, rassemble la colonie tahitienne de Paris et intègre un bon contingent de Parisiens chaussés aux danses joyeuses des insulaires. Dans l'émission Pariscope en 1968, c'est les Vainés sur scène, Tahiti sur scène, Emmanuel Fantin. Mais il y a de ça aussi avec la nostalgie, c'est que ça crée des repères communs dans la société. Alors, on les connaît pas, nous. On n'est pas nés sur des plages de sable fin avec des cocotiers, mais ça participe d'une lecture collective, d'un idéal. Alors là, c'est toujours un pays lointain. C'est pas le pays natal qu'il faut retrouver, c'est le pays lointain qu'il faut atteindre. En fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vraiment là aussi quelque chose sur lequel les auteurs de l'ouvrage ont travaillé, c'est-à-dire cette dynamique de consensus, quand bien même, encore une fois, on essaye de nous présenter les productions médiatiques, publicitaires ou commerciales comme étant nouvelles et ou comme étant différentes. En fait, c'est vraiment toujours une logique de consensus. Et d'ailleurs, il y a des phrases d'Umberto Eco assez passionnantes sur la publicité, qui nous dit, par exemple, la publicité ne fait que répéter le déjà là, et c'est pour ça qu'elle est compréhensible. Donc, effectivement, on cherche des territoires communs, et on peut avoir, par rapport, pour rebondir simplement sur la question de l'exotisme, on peut avoir le sentiment que, effectivement, que ça soit qu'il s'agisse d'un fantasme dans l'espace ou dans le temps, en fait, les logiques sont à peu près similaires. Et dans les publicités contemporaines ou dans les, ça c'est très très fréquent, qui s'appuie dans le secteur du tourisme sur la nostalgie, on voit bien du coup là la question de l'exotisme croiser la question de la promesse temporelle que constitue encore aujourd'hui la nostalgie. Les bonnes confitures des grands-mères, ça fonctionne bien pour vendre des produits, mais il y a vraiment cette idée d'accélération du temps. Thomas Dottmann, dans un monde qui change énormément, bien sûr, la nostalgie du temps passé est significative parce que, eh bien, les choses vont très vite et les temps ont changé. Le passé, 10, 20, 30, 40 ans avant, n'est pas du tout comme aujourd'hui. On l'évoquait pour les séries. C'est vrai qu'il y a le avant, après Internet, avant, après TGV. Et puis, on peut remonter de plus en plus loin comme ça. À quel moment dateriez-vous, sur une chronologie large, évidemment, l'oubli de la nostalgie comme la recherche de la terre natale, ce mal du pays? À quel moment c'est vraiment mis de côté, ça? Ou est-ce que c'est vraiment mis de côté? C'est peut-être toujours là. Alors, je vais répondre de façon un petit peu contradictoire. Il y a une date, on peut choisir par exemple une date assez précise qui pourrait servir en tout cas de porte-manteau pour ce passage d'une nostalgie à l'autre. En 1850, si je me rappelle bien, Barbey d'Aurevilly distingue très clairement dans un texte la nostalgie et autant ce que le mal du pays est à l'espace. Voilà. Donc là, boum, on est, c'est clair, c'est net. Et c'est aussi à peu près le moment quand les médecins commencent vraiment à dire « Non mais en fait, il faut abandonner ce diagnostic, ça, c'est n'importe quoi, les poètes en parlent, voilà, c'est pas scientifique, etc. etc. » Après, je pense que non, c'est beaucoup trop facile et on a aujourd'hui des survivances, il y a des allées, des retours qui passent au-delà de cette césure et que on est confronté aujourd'hui à des formes de nostalgie qui ont certes muté, mais qui maintiennent un petit peu de la forme primaire, qui pourrait d'ailleurs revenir. Ce n'est pas dit qu'un jour on cesse d'être nostalgique ou que la nostalgie revienne à dire quelque chose d'autre ou qu'on puisse peut-être en souffrir plus, en mourir. Enfin, ce qui m'a vraiment intéressé dans mon travail d'historien, et on rejoint un petit peu ce qu'on disait avant sur l'accélération, tout ça, c'est que la nostalgie, certes, est un petit peu le moment de repli dans cette accélération, c'est le moment de ralentissement possible, mais ce n'est pas pour moi un antidote, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui une alternative à l'accélération du temps. Moi, je vois cette nostalgie, ces retours constants du passé et du ralentissement comme étant l'autre face d'un mouvement dialectique. Et la meilleure façon peut-être de concevoir ça, c'est la mode. Ce sont les cycles de la mode. La mode est toujours nouvelle, mais elle est toujours en train de recycler l'ancien. Et les deux sont portés par la même logique temporelle, on va dire. Et donc, du coup, il faut faire attention, c'est quelque chose que disait un petit peu Emmanuel aussi avant, il faut faire attention dans les mouvements, par exemple, écologistes ou de décroissance qui sont très importants et qu'il faut absolument tous s'investir là-dedans parce que si on va droit dans le mur, on le sait maintenant. Il faut aussi faire attention à faire en sorte qu'on les prenne pas